Que Dieu vous bénisse. Je vais parler d'un problème qu'on trouve en ce moment, qui se passe en ce moment dans nos lycées au Gabon. Et je veux aller direct au but. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, la Bible dit, je préfère commencer par la Bible, rien de ce qui est visible vient du visible. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans le monde naturel a une origine dans le monde spirituel. Au Gabon aujourd'hui, nous, Gabonais, on a fait venir au Gabon des divinités à travers des pratiques occultes. On a invité au Gabon des divinités. Je voudrais vous dire, il est écrit dans la Bible. Dieu avait dit à Moïse que dans le pays où je vous conduis, dans la terre promise, faites tout sauf des sacrifices humains. Et Dieu leur a dit, parce que le sang souille le pays. Le sang souille le pays. Un pays où on verse le sang humain est un pays souillé. Et quand un pays est souillé, Dieu se retire de ce pays parce que Dieu ne peut pas rester dans la souillure. Et quand un pays est souillé, un pays souillé attire les divinités, c'est-à-dire des démons, des esprits méchants, des dominations. La sorcellerie devient la mode, la sorcellerie est à la mode, est au sommet du pays. Parce que la souillure, vous vous rendez compte combien de sang, combien de sacrifices rituels, combien de personnes dépecées, combien de personnes égorgées. Vous pouvez vous imaginer à quel point le pays est souillé. Et c'est la raison pour laquelle le diable s'est installé. Il faut que les hommes de Dieu prient pour le Gabon, que tout enfant de Dieu prie pour la délivrance du Gabon, pour la délivrance du Gabon. Parce que qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien aujourd'hui que le diable a installé ses antennes. Le diable est au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui au Gabon, pour avoir une promotion, l'homosexualité, c'est ce qu'on vous pose sur la table. C'est-à-dire, ce n'est plus le diplôme qui compte. Le diplôme seul ne compte plus. Les connaissances, l'expérience ne comptent plus. Ce qui compte, c'est l'homosexualité. Vous acceptez l'homosexualité, vous avez le poste. Ce qui compte, c'est, comment dirais-je, c'est les fétiches, les crimes rituels. Il suffit d'amener la tête de ton enfant, il suffit d'amener le sexe de ta tante pour avoir un poste. C'est-à-dire, Satan s'est installé et Satan règne. Satan règne. C'est la raison pour laquelle on peut voir tout ce qu'on voit aujourd'hui au Gabon. La Bible dit, rien de ce qui est visible vient des choses visibles. C'est-à-dire que la manifestation que nous voyons dans le monde naturel n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. La situation spirituelle du Gabon se manifeste dans le Gabon naturel. C'est-à-dire le Gabon spirituel est géré par des divinités. Et nous avons le résultat de leurs actions dans le Gabon naturel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au Gabon, vous avez deux Gabonais, deux sortes de Gabonais qui vivent au Gabon. Vous avez des Gabonais qui ont tissé des pactes avec ces divinités occultes qui sont venus au Gabon parce que le pays est souillé. Dieu avait dit, vous ne verserez pas le sang parce que le sang souille le pays. Et avec tout ce que le Gabon a déjà connu comme sacrifice rituel, c'est que le pays est souillé. Et quand un pays est souillé, des démons envahissent le pays. Et Dieu se retire, parce que Dieu ne reste pas dans la souillure. Et quand les divinités arrivent, certaines personnes, que ce soit à travers la franc-maçonnerie, la sorcellerie, des pratiques occultes, entrent en contact avec les divinités. Et les divinités leur imposent leur goût. Les divinités vont te dire, bon, il faut que tu couches avec ta mère. Si tu veux être ministre, il faut que tu amènes la tête de ton neveu. Si tu veux être directeur général de tel ou tel. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. C'est-à-dire, les divinités qu'on a fait venir au Gabon parce qu'on a fait des sacrifices rituels se sont installées dans le pays et ils imposent aux Gabonais leur volonté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on assiste à tout ce qu'on voit au niveau de tout ce qui est méchanceté. Le problème, c'est quoi? Quand ces divinités envahissent le pays parce que le pays est souillé à cause du sang, ces divinités vont posséder toutes les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus qui a vaincu le diable, personne d'autre. Et lorsque vous avez Jésus en vous, ces esprits, ces divinités n'ont aucun aucun pouvoir sur vous. Mais comme au Gabon, vous avez plein de gens qui refusent Jésus-Christ, vous avez des gens qui s'attachent à leur petit vampire, vous avez des gens qui s'attachent à leur petit gris-gris, vous avez des gens qui s'attachent au fétiche que le grand-père lui a donné, mais ces choses-là ne peuvent pas vous protéger, parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui a vaincu le diable. Donc lorsque vous avez Jésus en vous, ces divinités n'ont aucun impact, ils ne peuvent pas vous gérer si vous voulez. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, bien sûr que oui, ils peuvent capter votre esprit, ils peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent. Moi j'ai entendu quelqu'un qui pratiquait ce qu'on appelle au Cameroun le famla. Le famla au Cameroun c'est quoi? On te tue, on capte ton esprit, tes parents t'enterrent, mais celui qui a saisi ton esprit continue à utiliser ton esprit, c'est-à-dire ton esprit travaille pour lui dans le commerce ou je ne sais pas quoi, peu importe la chose, mais ton esprit est à son service. Donc, et c'est ce qui se passe au Gabon, la plupart des crimes rituels, que ce soit des crimes rituels, que ce soit des pactes signés dans des loges, ça n'a qu'un seul but, on va te demander le sang humain, la personne que tu sacrifies, tu vas continuer à utiliser cette personne. Toi tu la vois quand tu fais certaines incantations, quand tu es dans ta chambre noire, tu éteins les lumières, tu allumes des bougies, je sais de quoi je parle. Ensuite, tu récites certaines incantations, tu as des apparitions dans ta chambre, d'accord? C'est une chambre que personne d'autre ne doit, même pas jeter un coup d'œil. Même si tu es marié, ta femme ne met pas pied là-bas. Je sais très bien ce qui se passe dans cette chambre, je sais de quoi je parle. Donc, quand tu vas faire des incantations et la personne qui t'apparaît là, et tu vas commencer à parler avec lui, il va te dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà. Si tu ne fais pas ça, nanana, nanana, d'accord? Mais, je veux dire par là, je veux parler aux personnes, excusez-moi, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, que quand vous vivez dans un pays où un pays souillé, comme l'est aujourd'hui le Gabon, à cause du sang versé, parce que Dieu avait dit à Moïse, vous ne verserez pas le sang là où vous allez, parce que le sang souille le pays. Le Gabon, avec tout ce qu'on a versé comme sang, vous vous imaginez le Gabon spirituel, ce qu'il est devenu. Parce que le Gabon naturel n'est que le reflet du Gabon spirituel. Voilà, c'est ce qui se passe au Gabon. Donc, je vais revenir sur la proposition faite à des jeunes filles vierges. Parce qu'en ce moment, dans nos lycées, vous avez des individus qui proposent contre la virginité d'une gamine de 16 ans ou de 15 ans ou de 14 ans, on lui propose 1 million de francs CFA et un iPhone au prix de sa virginité. Mais il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas d'un rapport sexuel pour le plaisir. Il faut que les jeunes filles le sachent. Ce n'est pas le plaisir que cette personne cherche. Le 1 million de francs qu'on va te donner, le iPhone, c'est le prix de ton âme. C'est-à-dire que cette personne, pendant le rapport sexuel, va faire des incantations. Dieu a dit à Adam et Ève que vous allez devenir une seule chair. En fait, grâce à un rapport sexuel, beaucoup de choses se passent pendant le rapport sexuel. Au moment où vous êtes collés, je sais de quoi je parle. C'est quand vous êtes collés que des choses se font. Il faut que, ça je le dis de façon générale, que ce soit avec peu importe la personne. Sachez que quand vous êtes collés, là, quand vos deux sexes sont collés, c'est là où il y a transmission de choses. La femme peut te transmettre des trucs, l'homme peut aussi t'envoyer sa dose. C'est à ce moment-là, si tu n'es pas, si tu ne connais rien, si c'est un sorcier qui couche avec toi, là je parle aux femmes, le sorcier qui est sur ton ventre là, c'est à ce moment-là qu'il prend des choses dans ta vie. Et c'est à ce moment-là qu'il s'empare, qu'il capte ton esprit. C'est à ce moment-là qu'il prend ton étoile, si tu veux. C'est à ce moment-là. Quand tu le vois là, les yeux fermés, il est déjà loin. Il n'est pas dans le plaisir, mais il est en train de prendre des choses en toi. Et quand vous terminez l'acte sexuel, il te donne une enveloppe. Mais si tu savais ce qu'il a pris en toi, si seulement Dieu pourrait te montrer ce qu'il a pris. Et c'est la raison pour laquelle la plupart de ces personnes vont généralement vers les petites filles vierges. Parce que pourquoi? Parce que la femme qui a 30 ans, quand il vient vers toi, quand il vient coucher avec toi, Tu as 30 ans, tu as déjà connu peut-être 5, 6, 10 hommes dans ta vie. Cette personne se dit, bon, comme elle a déjà connu des gens, peut-être elle est devenue une coquille vide. Peut-être que ceux qui sont montés sur son ventre ont déjà tout récupéré. Donc moi, je préfère la petite vierge. Là, au moins, je suis sûr que personne n'est jamais monté. Là, elle est encore pleine. Je peux récupérer. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin des femmes de 35 ans. Parce qu'ils se disent, bon, elle a 35 ans, peut-être elle a déjà connu 15 hommes dans sa vie. Bon, peut-être ces hommes ont déjà tout pris. Donc moi, je préfère la petite vierge là. Parce que là, au moins, je suis sûr que personne n'est jamais rentré. Et avec la petite vierge, elle a encore tout ce dont j'ai besoin. Donc, c'est pourquoi il va vers la petite vierge. Pendant qu'il prend, il colle son sexe au vagin de la petite fille, il va faire des incantations. Des incantations, là, on peut le faire soit naturellement, c'est-à-dire tu parles. On peut aussi faire des incantations par télépathie. C'est-à-dire que pendant l'action sexuelle, c'est ton esprit, l'esprit du sorcier, c'est-à-dire de l'homme, qui est en train de parler sur le plan spirituel. Tu vois sa bouche naturelle fermée, mais il parle avec son esprit. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il parle des choses dans la petite fille. Donc ce n'est pas un rapport pour le plaisir. Et la petite fille qui va prendre le 1 million et le iPhone, je peux te dire que ta vie est foutue. Tu as vendu ta vie. Le 1 million que tu as pris là, c'est le prix de ta vie. Parce que le sorcier a tout pris en toi. Il a pris tes chances. Il a pris ton avenir, si vous voulez. Donc, il repart avec ça. Il cherche une autre petite fille. Il va récupérer. Mais lui, et puis vous allez être étonné, il monte en grade. Il était capitaine, il est commandant, colonel, il était directeur général, il est bombardé ministre. Mais pourquoi? Parce qu'il est en train d'utiliser vos étoiles. Tout ce qu'il a eu à ramasser de gauche à droite, il est en train de les utiliser. Et ce que cette femme doit aussi connaître, une fois que tu as déjà eu des rapports avec des hommes mystiques, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils pratiquent des trucs occultes, qu'ils soient un sorcier du village, parce que il ne suffit pas d'être rosicrucien, franc-maçon. On peut aussi pratiquer l'occultisme à travers des trucs rituels, si vous voulez, des trucs donnés par le grand-père. Parce que vous avez des familles où on va vous dire, écoute, mon fils, dans notre famille, de génération en génération, nous avons un serpent. Ce serpent, c'est pour le bien de la famille. Vous avez des familles qui ont une chauve-souris. Vous avez des familles où le grand-père va vous dire, depuis nos ancêtres, dans la famille, nous avons une chauve-souris. Cette chauve-souris, c'est pour bénir la famille. Mais ce que je veux vous dire, la chauve-souris en question, ou le serpent, ou d'autres ont la panthère, ce sont des divinités. En réalité, ce sont des esprits démoniaques qui sont avec vos ancêtres, depuis vos ancêtres, qui ont pactisé avec ces esprits. Et de génération en génération, ces esprits vont suivre toutes les personnes issues du sang des grands-parents. Et c'est pourquoi, même à la 4e, 5e génération, ces esprits sont avec vous. Parce que les hommes vont mourir, mais les esprits demeurent. L'esprit ne meurt pas. C'est pourquoi le pacte signé par le grand-père, même la 5e génération, les esprits avec lesquels le grand-père a signé le pacte, vont continuer à gérer la descendance du grand-père. Donc vous allez vous retrouver avec des esprits qui influencent ta vie, alors que tu ne sais même pas ce que le grand-père a dit à ces esprits-là. Tu ne sais pas. Mais ces esprits, parce que le grand-père, dans l'initiation, va dire, voilà, moi j'aimerais que ma descendance, vous faites ça, ça, ça, ça, ça, ça. Le grand-père est mort. Toi, tu n'étais pas quand le grand-père a signé le pacte avec ses divinités dans le village, à travers des trucs rituels. Tu ne sais pas ce qui a été dit entre le grand-père, ce que le grand-père a dit à ses divinités. Mais toi, tu es à la 4e ou à la 5e génération. Tu vas subir cela. Parce que le grand-père est mort, mais les esprits ne meurent pas. Les esprits vont continuer à gérer la descendance du grand-père. Ce qui fait que certaines femmes ont des fausses couches à répétition. Peut-être ça vient du pacte du grand-père. Vous avez des hommes qui n'arrivent même pas. Ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à se caser avec une femme. 2 ans, 3 ans de relation, ça se casse, des éternels célibataires. C'est-à-dire vous avez des problèmes dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez signé un pacte, pas parce que vous avez été dans un truc occulte, mais il s'agit des arrière-grands-parents, parce que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Vous ne savez pas les rituels qu'ils ont eu à faire. Et vous, vous subissez cela. Parce que les esprits avec lesquels ils avaient signé des pactes continuent à vivre et vont gérer la descendance de ces gens-là, même si eux sont déjà morts. Donc, je voudrais dire aux parents, sachez qu'au Gabon, alors que nous avons tué les gens au Gabon par des crimes rituels, le pays est souillé. Et parce que le pays est souillé, des divinités, des démons sont venus au pays. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ne versez pas le sang, parce que le sang va souiller le pays. Et Dieu ne reste pas dans la souillure. Et quand on souille le pays à travers les crimes rituels, des démons, des puissances des ténèbres vont envahir la région. Et quand ils envahissent la région, le Gabon spirituel, qui est géré par ces divinités, va se manifester. On aura les résultats, les fruits, dans le Gabon naturel. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez entendre dans les faits divers, tel a égorgé tel, tel a poignardé tel, tel a fait. Mais la présence de ces divinités que vous avez fait venir parce que vous avez souillé le pays à travers les crimes rituels, ces divinités sont maintenant dans le pays, ils vont posséder des personnes qui ne sont pas protégées. Je voudrais vous dire que la seule protection s'appelle Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est en vous, aucune divinité ne peut toucher votre âme. Mais si vous n'avez pas Jésus en vous, vous êtes à la merci de cette divinité. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver parfois une femme gentille, un homme gentil, et puis vous apprenez qu'il a poignardé quelqu'un, il a empoisonné telle personne. Vous êtes étonné. Mais la personne là, mais c'est pas possible. Ça peut pas venir de lui. Mais oui, parce qu'il n'était pas protégé. On appelle ça une oppression démoniaque. Je voudrais vous dire que sachez qu'en sorcellerie, si je suis un grand sorcier, regardez-moi bien dans les yeux parce que je sais de quoi je parle. Je peux faire un voyage astral, je peux sortir de moi, je viens rentrer en toi et te pousser à faire certaines choses. Et une fois que tu accomplis cela, je sors de nouveau en toi, je viens en moi et toi-même, tu es étonné, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? C'est vraiment moi qui ai fait ça. Mais oui, parce que tu étais sous l'oppression, tu étais sous le contrôle d'un esprit humain par projection astrale, quelqu'un qui a quitté son corps, qui est venu rentrer dans ton corps et qui t'a poussé à faire certaines choses. Cela ne peut se faire que si et seulement si la victime n'a pas Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, c'est impossible parce que le Saint-Esprit à pas habiter en toi. C'est pourquoi Jésus a dit aux croyants, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que Dieu vous envoie le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la protection suprême. C'est la protection suprême. Quand le Saint-Esprit est en toi, il habite en toi. L'homme qui va faire la projection astrale là, ne peut plus venir habiter, parce que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Il ne peut pas, ni le diable, ni les démons, ni un sorcier, personne ne peut venir toucher à ton âme. Mais tant que vous allez refuser Jésus, vous les Gabonais, tant que vous allez refuser Jésus, c'est votre affaire. Sachez que vous êtes à la merci des esprits, des divinités qui ont envahi le pays à cause de nos crimes rituels. Parce que quand nous versons le sang, on souille le pays. Et quand on souille le pays, ça fait venir des démons. Dieu se retire d'une région, d'un pays souillé. Mais Satan est attiré par la souillure. Tandis que la souillure fait fuir Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'au Gabon aujourd'hui, que ce soit au niveau de Libreville ou à l'intérieur du pays, l'occultisme, les gens n'ont plus peur de l'homosexualité. Parce que quand les divinités viennent, quand ces esprits viennent envahir une région, un pays ou un village ou une ville, cela va se refléter à travers les gens. C'est-à-dire que vous aurez des gens qui trouveront que l'homosexualité, c'est normal. Tuer quelqu'un, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Boire le sang humain, c'est normal. Coucher avec ma mère, c'est normal. Je couche avec ma fille, c'est normal. Parce que une fois que vous êtes sous le contrôle de ces divinités qui ont envahi la région, attirées par la souillure qui est venue du sang versé, de celui qui vient du sang versé, ces divinités vont posséder des gens et vont donner aux gens leur propre goût. C'est alors que le père de famille ne voit plus le mal de coucher avec sa fille. Pour lui, il n'y a rien de mal. Vous avez quelqu'un qui couche avec sa mère, ce n'est plus un problème. Parce que ces personnes sont déjà sous le plein contrôle des divinités, des esprits. Donc, c'est pourquoi je voudrais dire aux mamans que non seulement vous devez donner vos vies à Jésus, Et vous devez aussi amener vos enfants à Jésus, parce que nous avons des lions, nous avons des mauvaises personnes qui ont signé des pactes avec le diable et qui sont au pays. Ces gens ont l'argent et ils vont, vos enfants seront tentés. Vos enfants seront tentés parce qu'ils vont faire des propositions. Tu veux une voiture, tu veux une promotion. Combien de femmes aujourd'hui au Gabon ne peuvent plus avoir un mari? Et pourtant, ils ont les moyens, ils ont l'argent et tout, mais le mari, ce n'est plus possible. Certaines femmes n'arrivent plus à faire des enfants. Parce que qu'est-ce qui se passe? Toi, tu couches avec n'importe qui. Quand tu écartes tes jambes là, parce que le monsieur là a l'argent, parce que tu veux avoir le gros 4x4, mais toi, tu ne sais pas ce qu'il va prendre en toi pendant le rapport sexuel. Pendant le rapport sexuel, il peut faire des incantations. En faisant des incantations, il peut par exemple déposer dans ton utérus, dans ton vagin, il peut déposer un truc qui fera que, même si vous n'êtes plus ensemble, à chaque fois que tu auras un retard, c'est une fausse couche. À chaque fois que tu auras un retard, même si tu es déjà marié avec quelqu'un d'autre, à chaque fois que tu auras un retard, c'est la fausse couche. Mais cette fausse couche-là est provoquée par qui? Provoquée par ton ex. Il y a peut-être un an, deux ans, toi tu n'es plus avec lui. Mais c'est le jour où tu avais couché avec lui, il avait fait quelque chose sur ton ventre, c'est-à-dire il a pris le contrôle de ton utérus. Et c'est lui qui prend tous les enfants qui tombent là-dedans. C'est lui qui les prend par voie mystique. C'est la raison pour laquelle ne couchez pas avec les gens parce qu'ils ont l'argent. Parce que quand vous partez coucher là, vous ne savez pas, vous perdez énormément de choses que vous ne savez pas. Vous avez des hommes, il a les moyens, il n'arrive pas à rester avec une femme. Mais peut-être tu as couché avec une femme qui était dans les pratiques, mais toi tu ne sais pas ce qu'il a pris en toi. Et tu vas même remarquer que même si tu te maries avec une autre femme, mais tu continueras de temps en temps à avoir des rêves où tu couches avec ton ex. Tu as des rêves la nuit où tu couches avec ton ex. Et pourtant vous n'êtes plus ensemble depuis des années. Parce que cette personne-là a tissé entre lui et toi un lien spirituel que seul Jésus-Christ peut couper. Aucun marabout, aucun féticheur. Tu peux aller voir qui tu veux. Tu peux aller lui dire, j'ai des rapports sexuels la nuit. Tu peux aller. Et même si la personne est morte, vous pouvez toujours continuer à avoir dans les rêves en train de coucher avec la personne. Parce qu'il y a eu un lien entre toi et cette personne. C'est la raison pour laquelle les rapports sexuels, ce n'est pas que du plaisir. Il y a aussi des gens, quelqu'un qui te drague. Pas pour le plaisir, mais parce qu'il a envie de prendre ce qu'il voit en toi. Et ça, je m'adresse à des jeunes filles. Tu as peut-être un grand type qui court derrière toi. Pas pour le plaisir. Pas pour le plaisir. Parce que quand il te regarde avec les yeux spirituels, il dit, oh là là, la fille là a des choses, il faut que je récupère. Donc, il court derrière toi, pas parce qu'il va avoir le plaisir, pas parce que tu es belle, parce qu'il voit ton étoile, parce qu'il voit ce qu'il a en toi. Et c'est ce qu'il a envie de prendre. C'est pourquoi il court derrière toi. Et une fois qu'il aura... Parce que c'est pendant le rapport sexuel que les choses se passent. La Bible déclare, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Quand vous êtes sexuellement collé là, c'est quand vous êtes collé que les choses se passent. C'est quand vous êtes collé qu'il y a transmission. C'est là où il peut te donner des choses, il peut prendre. Parce que vous mélangez le sang. Parce que vous mélangez le sang. Donc c'est comme le courant, les prises de courant. Parce que le courant passe d'un côté à l'autre parce que il y a connexion de courant. Parce que quand vous placez la prise, quand vous vous collez à la prise, le courant peut maintenant partir de votre appareil. Le courant peut aller jusqu'au générateur, au compteur électrique. Donc, il y a transmission. Quand vous êtes collé là, c'est là où il peut prendre des trucs en toi. Et c'est là où, si toi aussi tu es sorcière, tu peux récupérer en lui. Donc, généralement, sachez que la plupart de grands types, des gens qui ont les moyens, ne courent pas derrière vous parce que tu es belle. Il peut aussi courir parce que quand il te regarde avec ses yeux mystiques, il voit ce qu'il y a en toi. Il dit, il faut que je récupère ce que la fille a là. Et quand vous allez coucher, il va te donner l'argent. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il a pris. Mais tu vas le reconnaître après. Parce que dans ton avenir, soit tu n'arrives pas à avoir un mari, pourtant tu es une belle femme, mais tu n'arrives pas à trouver un mari. Mais c'est quelqu'un qui avait pris ça en toi. Par exemple, tu n'arrives pas à faire des enfants. Parfois, tu n'arrives pas à enfanter. Parce que tu as plus le temps des fausses couches à répétition. Tu ne comprends pas. Tu as fait le tour des féticheurs. C'est toujours des fausses couches. Mais c'est quelqu'un. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut régler ton problème. Il n'y a que Jésus. Tu peux faire le tour des féticheurs que tu veux. Il n'y aura pas de réponse. Il n'y a que Jésus seul. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, je voudrais dire aux jeunes filles qui sont dans les lycées à Libreville, de ne pas accepter. Parce que là, j'ai entendu le témoignage d'une maman. Sa fille a accepté un iPhone et sa fille a pris, le monsieur lui a même donné 5 millions. Il paraîtrait, d'après cette maman, que ça fait 2 ans, la fille a le serpent dans le vagin. Et ce serpent passe tout son temps à mordre la fille dans son utérus. Le serpent est dans le ventre. Ils ont déjà fait le tour des féticheurs. Rien. Jusqu'à l'heure où je vous parle, la fille souffre. La fille souffre. Donc, sachez que 1 million et 1 iPhone, ce n'est pas pour le plaisir sexuel. C'est juste parce que ces gens se disent, si je couche avec une femme de 30 ans, je ne l'ai pas trouvée vierge. Donc, les hommes qui sont passés avec moi ont peut-être déjà tout récupéré. Je sais qu'avec la gamine là qui a encore son hymen bien fermé, là, je peux vraiment tout prendre. Je suis le premier. Je peux me servir à volonté des chances de l'étoile de la petite. Donc, quand il quitte là, quand vous terminez le rapport, monsieur a déjà tout pris. Il te donne l'argent là, il sait déjà qu'il t'a déjà vidé. Là, tu deviens épave. Tu seras une femme que tout le monde va coucher. Peut-être tu n'auras même pas de mari. Peut-être tu n'auras même pas d'enfant dans ta vie. Il a tout pris là. Et même si dans tes études, tu as le bac plus 5, bac plus 10, bac plus 1000, mais tu es éternel célibataire, tu n'arrives pas à trouver un mari. Parce que quelqu'un avait pris des trucs en toi. Tous les hommes ne sont pas saints, toutes les femmes ne sont pas saintes. Tout le monde n'est pas saint. Il y a des gens qui viennent vers toi pour le plaisir sexuel, il y a des gens qui viennent vers toi pour prendre des trucs en toi. Et non seulement il prend en toi, mais il met aussi ce qui était mauvais en lui. Il le dépose en toi. Et ce qui était bien en toi, lui le prend pendant, j'insiste, c'est au moment où vous êtes collés que ça se passe. Je sais de quoi je parle. C'est quand les deux sexes sont collés là, c'est là où ça se passe à ce moment-là. Pas quand vous vous embrassez de la bouche. Une fois que son sexe pénètre dans ton vagin, le contact est établi et c'est à ce moment-là qu'il peut prendre ce qui est en toi. Et tout ce qui était sale en lui, il le dépose en toi et c'est toi qui connaîtras dans ta vie des échecs, des choses qui ne tournent pas rond. Un homme veut venir t'épouser, ça se casse. Tes relations ne durent pas longtemps. Tu travailles, tu ne sais même pas où va l'argent. C'est pour vous dire que le rapport sexuel, c'est quelque chose de très dangereux. Par un rapport sexuel, tu peux vendre ta vie. Par un rapport sexuel, le rapport sexuel, c'est dangereux. Le rapport sexuel n'est pas que le plaisir. Tu peux vendre ta vie par un rapport sexuel. Mais pourquoi l'homme là propose 1 million? Pourquoi il donne 5 millions? Parce qu'il sait que ce qu'il a pris en toi est important. C'est pourquoi il ne donne pas bêtement 1 million comme ça. Il ne donne pas 1 million parce qu'il a eu un petit plaisir de 5-10 minutes. Ce n'est pas un petit plaisir de 5-10 minutes qui coûte 1 million. Parce qu'il est conscient qu'il a pris ton avenir. Il est conscient qu'il a pris tout ton avenir. Il sait très bien qu'il t'a vidé. Il a déposé en toi tous ses déchets. Et c'est toi qui vas les subir dans sa vie. Et lui va monter en grade dans la prospérité, dans la richesse. Parce qu'il a pris tes bénédictions. Et il t'a transmis ses malédictions. Il t'a transmis tout ce qui est déjà pourri en lui. Il te l'a donné. Et lui, il a pris ce qui est encore neuf en toi. Donc, chers parents, je vous exhorte à donner vos vies à Jésus-Christ. Je vous dis, au Gabon, aujourd'hui, la prière que nous devons faire, nous les Gabonais, c'est de prier afin de détruire les forteresses qui sont venues au pays, attirées, parce que nous-mêmes, nous avons souillé le pays à travers les crimes rituels. Parce que Dieu a bien dit à Moïse, vous allez à la terre promise, mais ne versez pas le sang parce que le sang souille le pays. Quand vous versez le sang humain, ça souille le pays. Et quand vous souillez le pays, ça attire des démons. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que le Gabon aujourd'hui est géré par des personnes qui ont signé des pactes avec le diable. Parce que quand le diable est installé dans une région ou dans un pays, seuls ceux qui traitent avec lui seront élevés. Il va élever toutes les personnes qui traitent avec lui. Et vous avez remarqué que les personnes qu'il a élevées, quand tu vas les voir, « Oh tonton, voilà, j'ai terminé mes études, j'ai le diplôme, voilà mon diplôme. » On va te dire, « Écoute, mon fils, il faut passer par ça si tu veux être intégré. » Pourquoi? Parce que Satan est au contrôle. Il a dit à ses agents, « Voilà les conditions. Celui qui veut monter en grade, celui qui veut monter au niveau social, voilà les conditions à remplir. » Et ils vont vous dire, « Mon fils, il n'y a rien à faire, voilà, il faut passer par ça. » Il faut passer par ça. Soit vous signez un pacte, soit voilà, et puis tout le monde le fait. Voilà, il n'y a que ça à faire, parce que là, je ne peux rien. C'est ça, c'est la condition. Ou c'est ça, ou c'est rien. Pourquoi? Parce que Satan est au contrôle. Je veux vous dire par là, je vais terminer par ça. Nous devons prier au Gabon pour les autorités qui gèrent le Gabon. Parce que vous allez remarquer, quand vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'un roi au milieu d'Israël était idolâtre, un roi qui était idolâtre, son idolâtrie envahissait tout le peuple. C'est-à-dire le peuple devenait idolâtre. Si celui qui est au sommet pratique l'occultisme, il va vous dire, écoute, tu veux être ministre, tu signes. Tu veux être directeur général de machin, tu signes. Mais si celui qui est au sommet est rempli de la puissance de Dieu, de Jésus-Christ, mais il va construire dans le pays les églises. Voilà, pour avoir une promotion, pour avoir un poste, ce ne serait plus par un pacte avec le diable, ce serait par un pacte avec Jésus-Christ. Je vais essayer de parler terre à terre. Ce serait par un pacte. Donc, le sommet qui dirige un pays, le sommet qui gouverne un pays, c'est très important. La position de ce sommet est très, très, très importante. Très importante. Parce que si le sommet est dans les pratiques occultes vont gérer le pays. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus émerger si vous ne signez pas. Ce serait la condition. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Gabon. Il faut être homosexuel. Il faut signer dans les loges. Ça montre clairement que la tête du Gabon est gérée par le diable. Quand la tête d'un pays est gérée par le diable, Satan pose ses conditions. Tu veux être ministre, homosexualité. Tu veux avoir une promotion, il faut signer un pacte. Crime rituel. Ça veut dire que le gouvernement est géré par les divinités occultes. Donc, c'est pourquoi il faut prier. La prière que nous devons faire aujourd'hui, c'est que Dieu délivre le Gabon, que Dieu, la délivrance du Gabon passe par la délivrance de ceux qui gèrent le Gabon. Parce que si celui qui gère, si le chef de famille est dans la franc-maçonnerie et fait des pratiques, mais c'est normal qu'il y ait dans la maison des décès, qu'il y ait dans la maison des enfants malades, des enfants infirmes, parce que la tête, le chef de la famille est dans l'occultisme. Mais si le chef de la famille est en Jésus, il n'y aura pas des trucs bizarres dans la maison. Donc, c'est pour vous dire que les autorités d'un pays, la position des autorités, c'est une position capitale. Si nous voulons délivrer le Gabon, nous devons prier pour que ces personnes... C'est pourquoi je m'adresse aux pasteurs qui sont au Gabon. Ça ne sert à rien de chercher l'amitié avec ceux qui ont l'argent au pays. Il faut avoir le courage de leur dire la vérité. Jean-Baptiste a eu le courage. Jean-Baptiste a dit à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Même si on lui a coupé la tête, mais au moins il a dit la vérité. Ne soyez pas aveuglés parce qu'on vous donne des enveloppes. Si nous voulons que nos autorités viennent à Jésus, nous devons avoir le courage de leur dire la vérité. De leur dire que, écoute, monsieur le ministre, franchement, ça c'est pas bien. Ça c'est pas. Il faut avoir le courage, même si le ministre ne te donne plus l'argent. Mais c'est Jésus qui va te bénir. Tu n'es pas serviteur du ministre. Tu es serviteur de Jésus. Et ce que Jésus attend de toi, c'est la vérité, c'est le courage. Il faut avoir le courage de Jean-Baptiste et dire, écoute, même si Hérode contrôle l'armée, même si Hérode c'est lui le chef, même si Hérode peut décider qu'on me tue tout de suite, mais moi je ne suis pas serviteur d'Hérode, je suis serviteur de Jésus. Hérode, il ne t'est pas permis. Là parce que tu es roi, pas parce que tu as les moyens, la femme de ton frère, c'est pour ton frère. Tu n'as pas le droit. Nous devons avoir ce courage. Et le problème au Gabon, c'est que nous avons des pasteurs qui ont tissé des liens d'amitié avec ceux qui ont l'argent et qui sont dans les capacités de dire la vérité de peur qu'on ne leur donne plus les enveloppes. Et c'est pourquoi le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de sombrer. Les gens n'ont plus le courage de dire la vérité parce qu'ils craignent les représailles. Parce qu'ils craignent les représailles. Mais vous êtes serviteurs de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va susciter au Gabon une nouvelle génération des éléments qui seront déterminés, des éléments qui seront remplis de feu et qui ne vivront pas des enveloppes données par des pratiquants occultes, parce que la plupart de nos dirigeants politiques sont dans l'occultisme. Et vous allez les voir, ils ont des amitiés, des relations amicales avec certains pasteurs du pays à Libreville. Mais ces pasteurs-là, vous savez très bien que ces gens sont dans l'homosexualité. Vous savez très bien que ces gens pratiquent, sont dans la franc-maçonnerie. Comment vous pouvez ne pas leur dire la vérité? Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent l'argent. Donc, je voudrais dire aux parents, à propos des petites filles, n'est-ce pas, qu'on demande la virginité contre 1 million de francs CFA et un iPhone, je vous en prie, priez pour vos enfants, priez pour vos enfants, exhortez vos enfants à recevoir Jésus, parce que c'est Jésus seul qui peut les protéger. Vous savez qu'en ce moment, il y a des crimes rituels au Gabon, mais je voudrais vous dire quelque chose que j'ai entendu de la bouche d'un Camerounais qui pratiquait le famla pour, je ne sais pas, vous renseignez-vous auprès des Camerounais, le famla consiste à te tuer en sorcellerie pour capter ton esprit et continuer à utiliser ton esprit. C'est-à-dire, je tue ton enfant, je prends son esprit, vous enterrez votre mort, mais moi, son esprit, l'esprit de votre enfant, est géré par moi. Donc, je parle à cet esprit, je fais certaines incantations, votre enfant m'apparaît dans la chambre noire, et je peux lui dire, bon, comme votre, l'esprit de votre enfant est à mon service, je peux lui dire, voilà, voilà, tu vas faire ça pour moi, tu vas faire ça pour moi, nanana, nanana, nanana, voilà. Mais cet homme m'a dit qu'une personne qui a vraiment Dieu en lui, le Saint-Esprit en lui, on ne peut pas, c'est impossible de capter son esprit. Mais quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui, c'est un jeu d'enfant pour nous. Je vais vous dire par là, vous qui ne voulez pas donner vos vies à Jésus, vous qui sachez que vos enfants et vous-même, vous êtes des éléments, des proies faciles à des crimes rituels. Parce que les gens qui vont vous capter, les gens qui vont vous prendre, ils verront qu'on peut utiliser leur esprit. Leur esprit n'est pas protégé. Alors que si vous avez Jésus, Jésus ne permettrait pas qu'on t'arrête. Jésus va te protéger. Jésus va te protéger. Ça, je le répète. Jésus, si on prend vos enfants, si on vous prend, c'est parce que vous n'avez pas la protection divine sur vous. La protection divine, ce n'est pas les chapelets. La protection divine, ce n'est pas l'eau bénite. La protection divine, c'est Jésus-Christ. La protection divine, ce n'est pas Jean-Baptiste, Saint-Jean-Baptiste. La protection divine, ce n'est pas Vierge Marie, ce n'est pas la Sainte Vierge. Ce n'est pas ça, la protection divine. La protection divine, c'est Jésus. Jésus seul. C'est celui qui a Jésus qui a la vie, et c'est celui qui a Jésus qui devient enfant de Dieu, et celui qui se, et comme Dieu est un Dieu responsable, Dieu va vous protéger, parce que Dieu a dit, personne ne peut arracher de mes mains mon enfant. Celui qui appartient à Dieu, Dieu veille sur lui, parce qu'il est devenu enfant de Dieu, et Dieu est au-dessus de tout ce qui existe, que ce soit dans le monde spirituel, comme dans le monde physique, et personne n'a la force d'arracher des mains de Dieu, l'enfant de Dieu. Donc la seule protection s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous remercie du temps, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais je voulais vraiment apporter cette exhortation aux Gabonais. Que Dieu vous bénisse.